Le président népalais Bidya Devi Bhandari a fait parvenir le 14 courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire adresse sincèrement les félicitations chaleureuses au camarade Kim Jong-un, élu président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, lors de la 4e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême, au nom du gouvernement et du peuple népalais, et en son nom propre. Il a souhaité santé au maréchal Kim Jong-un et paix, prospérité et bonheur au peuple coréen.